va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. On vit des mots dont on se gargarise à gosier plein, et ça nous suffit bien. On s'indigne sur tous les tons quand la moitié du monde a faim, mais tant qu'on a sur notre table le pain et le vin quotidien, on se porte bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la baronne. Tout va très bien, tout va très bien. On frappe, on cogne, on tue, on emprisonne un peu partout, et nous comptons les points. Dieu et le droit sont dans la main de qui se montre le plus fort. On joue au dé la vie des gens, on fait bon marché de leur mort. Mais tant que c'est loin, madame la baronne, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la duchesse, tout va très bien, tout va très bien. On a mis l'amour à hauteur de fesses, ni plus ni moins que les chevaux et les chiens. On cueille la fleur en bouton pour la piétiner aussitôt. On se rencontre sans se voir, on ne vit que peau contre peau. Ça nous convient, madame la duchesse. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, je vous le dis, mesdames. Tout va très bien, tout va très bien. Dieu est mort et on a perdu nos âmes. Mais ça ne fait rien, tout ça se remplace bien. D'ailleurs, la terre est bien usée, un jour on la fera sauter, et on ira planter nos choux quelque part sur la Voie lactée. Et ce jour-là, comme aujourd'hui, mesdames, on se répétera que tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, et on le croira que tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien.